Sorbonne. Ouais. Voyeux malandrins sont trop de vergogne. C'est dans ta maman que je performe. Je m'en bats les couilles, t'es fait la Sorbonne. Moi j'ai rien fait et j'ai le salaire, tout le personnel réuni. J'aime comment tu bounces. Quand ton body fait rum pam pam pam sur moi. J'aime vraiment comment tu bounces. J'mets YG frénétique, volume dans la tu envoies. Dangereux, je suis enfin, j'crois. C'est ce que le négro m'a dit quand on a croisé le fer. J'ai cru en l'amour en 5 mois. Puis c'est parti en vrille, ma bite n'a pas su se taire. J'me fais sucer par une tasse, péter les réalités. La vie que tu veux, c'est la vie que j'ai. Retour au quartier, malfrat, big raveur affûté. La 8 que j'ai, c'est la MG. J'aime comment tu. Bounce. J'aime comment tu. Quand ton body fait rum, pam pam pam sur moi. J'aime vraiment comment tu. Bounce pour moi. Dès que je sors la moula, je vois qu'elle bounce pour moi. Ouais. Bounce pour moi. Dès que je sors la moula, je vois qu'elle bounce pour moi. Non, non, non, non, non. Attends. Billet violet, jaune, vert, gros sous. Everyday, everyday. Billet violet, jaune, vert, gros sous. Everyday, everyday. J'sais pas pourquoi ce temps tu l'as mort. Te dire je t'aime le premier jour. J'commence la nuit, j'finis le jour. J'suis près de toi, avec tous ceux qui tournent autour. Donne-moi une raison. De pas finir chez toi, dans ta house. Tu fais monter la pression. J'aime comment tu. Bounce. J'aime comment tu. Quand ton body fait rum, pam pam pam sur moi. J'aime vraiment comment tu. Bounce pour moi. Dès que je sors la moula, je vois qu'elle bounce pour moi. Ouais. Bounce pour moi. Dès que je sors la moula, je vois qu'elle bounce pour moi. Non, non, non, non, non. Attends. Billet violet, jaune, vert, gros sous. Everyday, everyday. Billet violet, jaune, vert, gros sous. Everyday, everyday.